Les séminaires sur les exploits du général Kim Jong-il se sont déroulés à l'occasion de la journée de la brillante étoile dans diverses formations politiques, sociales et établissements russes en présence des personnalités et habitants de divers paliers. Les orateurs ont déclaré que Kim Jong-il, dirigeant du peuple coréen, est le plus illustre grand homme de l'humanité et expliqué que sous sa direction, la Corée a progressé dynamiquement dans sa voie de développement et obtenu d'immenses succès dans l'édification socialiste.